Hey yo, je me crisse de ton aspect, ton statut, de ton expérience. Mais si tu dis ou tu donnes du respect, je constitue ton espérance de résistance à ma présence à l'appareil. Fait qu'ouvre bien tes oreilles avec persistance, Dumbo. Spawn red de plaisance, pareil au leur porte, mon gros. Nous contre le punch, contre le reste. On punch, qui reste. Le reste, on prend, je te laisse mon pote. Mais pas le reste, nous contre le punch, nous contre le reste.